de Pâques Carlet, c'est une batterie. Thank you. que a gente faz a próxima. A próxima. Thank you. Thank you.

strange man. Respect. Thank you. pas terrible. Monseigneur Dufion va nous faire la messe. partir. Ça change de téléphone.